zamin so anicha tampoco operación entre moi et la vérité plaît mais moi je préfère un jour il aura des pieds moi et mes amis nous sommes onicha tampoco operación entre moi et la vérité plaît mais moi je m'en fous un jour il aura des pieds. Moi et mes amis, nous sommes onicha. Et bonne coopération entre moi et la vérité blesse, mais moi je m'en fous. Un jour, il aura de bien. Ah oui, ah oui. Là, la vérité blesse. La vérité, c'est son pas. Voilà.